Alors, mesdames et messieurs, le temps d'une petite prestation directe, pourquoi pas avec la groupe Maison Niveau Zéro. Alors, Jean-Pierre à la basse, Olivier à la guitare et moi-même qui s'en viens derrière les chaudrons. We'll be right back.